C'est le premier train qui vous fera danser, oui. Allez danser tous le prévoir. Invitez des copains qui savent bien danser, oui. Devant et puis vous reculez, vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser tous la locomotion, ah oui. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y, venez danser pour tout bagage, quelqu'un qui vous plaît. Wow, wow. Attention au départ, il faut vous dépêcher, oui. Il est déjà trop tard, le train va démarrer, oui. Venez danser tous le prévoir. Messieurs les voyageurs, prenez le train de nuit, jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier whisky. Venez danser tous le locomotion, ah oui. Jusqu'à demain pour la locomotion, ah oui.